Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture par téléphone. Aujourd'hui, David Lascoux. Bonjour David. Bonjour. Pour votre premier roman, Dédoublement, qui est aux éditions Drakkar Éditions. Alors, c'est votre premier roman, David, je crois, qui est un bijou, une vraie découverte. Je tenais vraiment à le préciser aussi aux auditeurs à Nancy. C'est pas un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et du coup, je profite de l'occasion pour vous poser quelques questions. C'est le principe de Caprice de lecture. Il y aura 5 questions qui vous sont dédiées. Il y aura quelques coupures musicales. Et puis après, on verra un petit peu pour le Caprice de la semaine. Alors, le Caprice de la semaine, c'est quoi ? C'est avant tout un roman que vous, peut-être, vous avez lu et que vous avez aimé, ou moi, un Caprice de la semaine en fonction de ce que vous aurez envie de faire. Alors, on y va. Première question, donc David, vous avez 49 ans et malgré une envie d'écrire très prononcée depuis longtemps, vous vous lancez dans cette formidable aventure pendant le premier confinement de 2020. Est-ce que c'était lié au contexte, on va dire sanitaire, parce que vous aviez plus de temps, ou est-ce que c'est quelque chose qui avait maturé depuis longtemps et puis là c'était le moment de vous lancer ? Comment ça s'est passé pour vous ? Alors en fait oui, c'était surtout lié au contexte parce que j'avais justement du temps pour écrire. Maturé, je ne sais pas, peut-être inconsciemment, parce que j'avais déjà écrit 2 livres avant, mais qui étaient vraiment, c'était pour m'amuser. Oui. Donc il y avait cette envie d'écrire quand même qui était sous-jacente. Mais ça s'est déclenché d'un coup, sans réfléchir. C'est parti de rien, d'un mot, et puis ça s'est déroulé tout seul. Donc ça n'était pas prévu. Peut-être qu'inconsciemment, j'avais envie de réécrire à nouveau, de faire quelque chose d'un peu plus abouti que ce que j'avais écrit avant. Ok, ouais, parce que moi j'en ai retrouvé un qui s'appelait Tibisti, c'est ça ? Oui, c'est ça, okay. Mais c'est vraiment... il ne faut pas le lire. Ouais. Ah bon ? Non, Sarah. C'est classique, je n'ose même pas le relire, parce que c'était un essai, c'était pour m'amuser, mais j'avais 25 ans. Point positif, c'est que ça vous a peut-être permis de vous faire gagner en confiance pour écrire Dédoublement, peut-être, quelque part. C'est ça, ça m'a surtout permis de savoir que j'étais capable d'écrire un roman jusqu'au bout, parce que tant qu'on n'essaye pas, on ne le sait pas. Voilà. Ok. Alors, Dédoublement, dès les premières pages, moi c'est pour ça que j'ai adoré, nous emmène aux confins de la maladie mentale qui possède très rapidement Alexandre. C'est-à-dire que les 50 premières pages, on sait à peu près ce qui va lui arriver. Et pourquoi ? Alors, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que vous choisissez un monsieur tout le monde. Donc il lui arrive une histoire ordinaire, il vit en couple, sa fiancée s'en va, ça ne va pas, ça ne va plus. Et d'un seul coup, il est victime d'une rupture amoureuse. On sent bien que dans sa vie perso, c'est plutôt moyen. Il fait le choix d'aller chez sa mère. Il lui arrive quelque chose de terrible en allant chez sa mère. Je ne vais pas dévoiler le truc. Alors, cette rupture amoureuse, pour moi, elle marque vraiment le début de ce thriller, Alors, si on ne connaît pas le thème, on ne peut jamais deviner que ce sera un thriller psychologique haletant. Pourquoi avoir choisi cette rupture amoureuse, en fait, comme point de départ, en fait ? Est-ce que ça peut être synonyme d'une dégringolade, sociale ou même médicale, pour le cas d'Alexandre ? Ou est-ce que c'est justement pour ancrer le personnage plutôt dans Monsieur Tout-le-Monde ? C'est ça, en fait. Moi, j'aime bien les personnages ordinaires à qui il arrive des aventures extraordinaires. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut tout de suite s'associer à eux et justement, c'est beaucoup plus immersif que d'avoir au départ un personnage qui a une vie totalement extravagante. C'est autre chose. Mais j'aime bien ces personnages ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui a été calculé. J'ai une écriture assez particulière qui est très, très intuitive, donc je pars de rien et je ne sais pas où je vais. Voilà. Ah d'accord. Donc c'est venu tout seul. Voilà, j'ai pas d'explication. Ouais. Je pars. Pour expliquer rapidement, je m'ennuyais pendant le confinement, donc j'ai écrit sur une page l'ennui. Voilà, okay. Et c'est parti de ça. Voilà, sans histoire. Donc l'ennui, qui s'ennuie, pourquoi il s'ennuie, quelles vont être les conséquences de cet ennui, et puis tout s'enchaîne automatiquement dans mon cerveau. C'est fou ça. Ça part. Voilà. Ah oui, vous êtes vraiment intuitif en fait. C'est totalement intuitif, jusqu'aux 2/3 du livre, je ne sais pas où je vais. Et l'avantage, c'est que quand on écrit comme ça, et c'est encore plus vrai pour le nouveau roman que j'ai d'écrire, comme je ne sais pas où je vais, le lecteur ne sait pas vraiment non plus. Non. Donc je ne sème pas d'indice involontaire dans mon écriture parce qu'au début on a un peu peur, pour l'avoir lu et encore une fois sans dévoiler, c'est dommage de dévoiler la fin d'un livre si les lecteurs ne l'ont pas lu, c'est que moi je m'attendais à un truc genre il va semer des indices qui seront des faux indices, donc en fait on cherche des trucs qui n'en sont pas. en fait. C'est ça. Et oui, c'est du fait de mon écriture. C'est-à-dire que comme moi-même, je ne sais pas où je vais, forcément, le lecteur ne le sait pas. Donc... Ouais. C'est assez extraordinaire. Caprice de lecture sur Fadjet. On fait une petite coupure tout de suite avec Metallica et on se retrouve juste après. We'll be right back. reprise de lecture sur Fadjet, l'essentiel de l'actualité littéraire. Troisième question, parce que la mère de notre héros, moi je trouve, joue un rôle déterminant dans le basculement d'Alexandre. Mais elle est présente à l'instant T, elle disparaît de l'intrigue. Moi je l'ai vue comme une clé qui permettait d'accéder, d'ouvrir une autre porte sur le monde d'Alexandre en fait. Alors l'autre porte, hein, pareil, je ne dis pas qui c'est, ni pourquoi, ni etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer retrouver sa mère, alors qu'elle n'était pas forcément une mère très affectueuse ni aimante, ou peut-être à sa manière, est-ce qu'on pourrait imaginer la retrouver dans un autre roman? Parce qu'elle est là à un moment clé. Elle sort du roman, je ne dis pas comment. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle revienne ou qu'on ait une histoire de sa vie qui pourrait expliquer le pourquoi, comment de sa relation avec son fils? Est-ce que c'est... Moi, je me suis posé la question. Pardon, ce n'est pas prévu. Ok. Voilà, moi, c'est juste un personnage qui sert justement, comme vous avez dit, à expliquer son cheminement, son enfance et tout le reste de l'histoire. Ouais. En fait, hein, voilà. C'est plutôt une clé. C'est pas un personnage au début qui devait être un personnage important, mais oui, je me rends compte qu'en fait, c'est un personnage qui fait la bascule, en fait, ouais, entre les deux. Et parties. Je me suis dit, elle ouvre une porte sur quelque chose qu'on soupçonnait pas, ou très peu, et elle s'en va. Moi, je l'avais pas du tout imaginé comme ça, en fait, quand elle est apparue dans le roman, en fait, en tant que personnage, mais c'est justement très... c'est le côté un peu original, en fait, de ce personnage-là. Oui, c'est-à-dire que voilà, j'ai des personnages qui viennent et qui repartent, voilà, on sait pas trop. Ouais. Après, j'ai pas de personnage récurrent. Enfin, si, il y a justement un personnage qui va être récurrent dans mon deuxième roman. Ok. Qui est un personnage secondaire. Okay. Je peux le dire, puisque c'est l'enquêtrice, en fait, qu'on va retrouver dans mon deuxième roman. Mais d'accord. Qui n'est pas une suite du premier, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire complètement différente. Mais j'avais entamé quelque chose avec elle, donc j'avais envie de le continuer dans le roman suivant. Mais c'est en filigrane, c'est pas partie de l'histoire. D'accord. Alors justement, vous appréhendez un peu ma quatrième question, parce que c'était votre deuxième roman va sortir en avril, donc là, dans quelques jours, qui s'appelle Nora, si je ne me suis pas trompée. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dévoiler quelques détails, ou est-ce qu'on peut avoir les prémices? Est-ce que ce sera déjà toujours dans le style de dédoublement? Est-ce que vous changez de style? C'est quoi un peu Nora? Alors, Nora, donc ce que je peux vous dire, c'est dans le style de dédoublement, dans le style où c'est quand même, ça reste du thriller psychologique. Ok. La narration est différente puisque c'est une narration à la première personne du singulier. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui raconte l'histoire, donc c'est beaucoup plus immersif. Oui. Car on se met vraiment à la place de la personne. Et chaque personnage raconte son histoire, en fait. Voilà. D'accord. Donc chaque personnage parle à la première personne. Est-ce que c'est plutôt un roman choral, du coup? Quelque chose de, où on a plusieurs personnages qui parlent et à la fin, on a un dénouement, quelque chose comme ça? C'est un peu ça. C'est d'accord. Un peu ça. C'est-à-dire que c'est un roman où... Mais enfin, les personnages interagissent pendant tout le roman. D'accord. Mais on a le point de vue de chacun. Sachant que pour moi, la psychologie des personnages est très importante, donc ça permet de faire passer beaucoup de choses. Ok. Voilà. Je peux vous faire le pitch très, très rapidement si vous voulez. Hein. Mais c'est surtout l'histoire. Ne dévoilez pas la fin. Ah non, je ne dévoile jamais. Non. Donc c'est l'histoire d'un écrivain qui a perdu sa femme il y a un an auparavant d'un cancer. D'accord. Et depuis qu'il a perdu sa femme, il a le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à écrire, il n'arrive plus à vivre. Ouais. Il est un peu dévasté et il décide d'opérer un changement brutal dans sa vie pour essayer de retrouver le goût de l'écriture, voilà l'inspiration, mais aussi de retrouver sa vie en quelque sorte. Donc il décide d'aller s'isoler dans un cottage au bord de l'océan en plein hiver sur une île fictive, voilà qui est une île dorée fictive. Ok. Voilà pour essayer de retrouver l'inspiration. Ouais. Donc en hiver, isolé, dans l'atmosphère aussi. Moi, j'adore les atmosphères, j'adore les paysages, j'adore les descriptions. Et là, il va se faire prendre en otage par une femme. D'accord. Qui lui demande de l'aider à prouver son innocence, voilà, parce qu'elle va être accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Voilà. Et lui va, au début, il va mal le vivre. Et puis petit à petit, il va faire une sorte de deal avec elle, c'est-à-dire qu'il l'aide à prouver son innocence. Et en contrepartie, il se sert de son histoire pour écrire son nouveau roman. Ok. Et voilà, d'accord. C'est un peu ça. Et puis il y a toute une enquête et puis toute une histoire. Beaucoup plus de rebondissements et de twists que dans dédoublements beaucoup plus psychologiques. Après, vous êtes peut-être beaucoup plus installé dans ce style-là maintenant avec dédoublements, du coup. Exactement. Hein, voilà. De toute façon, c'est mon style et c'est ce que j'ai envie d'écrire. Donc je ne pense pas en sortir. Ok. Et puis ça marche bien, donc ne changez pas pour l'instant. Voilà. Caprice de lecture sur Fadjet. Bob Dylan nous accompagne pour cette dernière coupure musicale. À tout de suite. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. Calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. Prise de lecture sur Fadjet. Alors, j'avais une dernière question. À la fin de Dédoublement, donc Alexandre disparaît. D'accord ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'est pas totalement disparu et qu'il ait fomenté un plan pour revenir ? Pourquoi pas ? Allez savoir. J'ai pas prévu pour l'instant voilà, j'ai laissé une fin un peu douce amère, mais sur le personnage, ça termine sur le personnage récurrent. Parce que je me suis dit, il le fait disparaître un peu trop fastoche quand même. Voilà. Donc ça, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, d'accord, mais je laisse en général des fins ouvertes et je me laisse le droit de reprendre éventuellement. Ok, bon. Je reste dans le suspense alors. Voilà, exactement. Alexandre, dernière question. Est-ce que vous voulez nous faire part d'un coup de cœur littéraire que vous avez lu il y a quelque temps ou récemment, que vous aimeriez partager avec nos auditeurs ? Alors, moi je suis assez fan de polar scandinave. Ok. D'ailleurs, ça m'inspire énormément, pas au niveau des histoires, mais au niveau des ambiances. J'aime bien des ambiances assez sombres. C'est des intrigues assez lentes, avec des ambiances un peu pesantes. Des atmosphères lourdes, avec un ciel très bas, gris. Avec des paysages omniprésents qui écrasent un peu les personnages. Donc moi, un que je suis en train de lire en ce moment, que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas terminé, c'est « Le tailleur de pierre » de Camilla Läckberg, qui est une des plus grandes auteurs de polar suédoise. C'est un roman que j'aime beaucoup. Je suis plongé dedans en ce moment. Je l'ai pas encore fini, mais c'est une auteure que j'aime bien. Voilà, édité chez Actes Sud, je crois, non ? Oui, c'est Actes Sud, c'est ça. Ok. David, je vous remercie de m'avoir accordé ce temps et encore avec Merci toutes mes excuses pour le retard. Franchement, j'aime pas ça, mais bon, voilà. Et puis voilà, ne changez surtout pas. J'achèterai Nora d'ailleurs en avril parce que Dédoublement était vraiment un vrai coup de cœur. Hein. Je l'ai même Merci chroniqué beaucoup. Sur mon site internet et c'est plus qu'un coup de cœur. Je pense que vous avez une belle carrière devant vous qui vous attend. Merci, c'est très gentil. Voilà. Tous ceux qui ont lu Nora m'ont dit qu'il était un cran au-dessus de Dédoublement, donc il a l'air de faire l'unanimité. Donc dès qu'il sort, je l'achète et puis je vous fais signe. Hein, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Plaisir. D'accord ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, David. À très Merci bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.